J'ai regardé en arrière, et dans ma vie c'est le débord. C'est pas un coup de balai, non, qui va tout remettre en ordre. Arrêtez vos manières, j'ai vu l'envers du décor. Beaucoup ont aboyé, mais très peu ont pu mordre. Très peu sont encore là, et je ne suis qu'à mi-chemin. Je compte combien de cordes restent à mon arc, après ça y'a plus rien. Je compte les nuages qui passent comme si je ne devais rien faire de bien. Et qu'au final, je n'aurai jamais de l'or entre les mains. Entre l'ombre et la lumière, je ne suis qu'une de ces nuances. Quand j'essaie d'accélérer, on me dit qu'il me faut de l'endurance. J'ai dû oublier le mode d'emploi qu'en 20 jours de ma naissance. Comme si le futur braquait en disant vas-y danse. Mes nouvelles résolutions n'auront pas tenu 2 semaines. Un héros ne le sera plus le jour où on verra qu'il saigne. J'ai une pensée pour papa, des fois je lève les yeux au ciel. Si les problèmes sont amers, mes petits m'auront passé le sel. Tito. Je rêve d'un monde tout en couleur. Je navigue entre contraste et douleur. Dans la lumière j'ai vu le déshonneur. Dans l'obscurité peut se trouver une part du bonheur. Je rêve d'un monde tout en couleur. Je navigue entre contraste et douleur. Dans la lumière j'ai vu le déshonneur. Dans l'obscurité peut se trouver une part du bonheur. Les poches trop petites ne m'empêchent pas de voir les choses en grand. Je t'assure et tu sais que je n'ai jamais eu les yeux plus gros que le ventre. Et si un jour je me vante, sans doute que je me causerai du tort. Contradictoire, je garde les pieds sur terre tout en bombant le torse. Je pèse mes mots et j'en ai gros sur la patate. Dans le plus grand des calmes, ça devient légal de se faire violer par une matraque. Ils voient la vie en rose, moi je vis là-haut les roses en fané. Encore une fois de plus, je pense que je vais tout niquer cette année. Je suis genre de type qui a toujours des rêves de gosse. Et face aux problèmes, non, j'attends pas que l'histoire se corse. J'évite de faire des fautes, malgré toutes mes défaites. Y'a rien de joyeux, mon air de jeu, c'est pas la salle des fêtes. Mes rêves prennent vie quand les lumières s'éteignent. À peine un quart de siècle, je me rapproche d'une mort certaine. À ce qui bon cicatrice pour oublier qu'on a souffert. On vivra paisiblement une fois 6 pieds sous terre. Je rêve d'un monde tout en couleur. Je navigue entre contraste et douleur. Dans la lumière j'ai vu le déshonneur. Dans l'obscurité peut se trouver une part du bonheur. Je rêve d'un monde tout en couleur. Je navigue entre contraste et douleur. Dans la lumière j'ai vu le déshonneur. Dans l'obscurité peut se trouver une part du bonheur.